manque un peu les filles. Allez, on va ah si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut les copains, c'est Eric, bienvenue sur RIG 90.7 si vous écoutez sur Bordeaux ou sinon www.rigfm.fr sur le net. Bonne année à toutes et à tous, bonne année 2019, que tous mes vœux se réalisent. Déjà, le vœu d'écouter cette émission Johnny de A à Z encore longtemps, oui bien sûr, c'est ici, c'est sur RIG. Comment allez-vous? Mais moi ça va plutôt bien, je suis content de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2019 et je vous ai préparé pour ce soir, vu que c'est le premier mercredi du mois, on va dire, hein, c'est Johnny en live, bien entendu, mais pas n'importe quel Johnny Hallyday en live. Je vous propose de revenir quelques années en arrière, c'était en 2015 et aussi 2016. Johnny chantait à La Rochelle lors des Francofolies le 14 juillet 2015 et aussi il y avait le 12 février 2016 il chantait à Boulazac. Vous savez, Boulazac, c'est une petite ville qui est à côté de Périgueux, hein, en Dordogne, voilà. Et j'étais lors de ces concerts là et je vous ai ramené ce que vous allez écouter ce soir. Et oui, on va faire un mix des deux concerts, des chansons qui ont été rajoutées, tout ça, tac, de l'une à l'autre, ou des différences qu'il y a. Eh bien, tout ça, c'est pour ce soir, c'est de commencer, c'est cadeau. Allez, je me suis dit, on fête la nouvelle année et on lance ce projet-là. J'espère que vous êtes bien assis toutes et tous. Si vous avez, montez le son déjà, hein, ce serait bien. Et nous sommes partis tout de suite pour 2 heures de Johnny Hallyday sur l'antenne de RIG. Et bien entendu, on commence par cette fameuse introduction. Voici Johnny Hallyday en live, tournée Restez Vivant 2015-2016. Bonne soirée à toutes et à tous, voici Johnny. marine au brûlé. Être deux, tout se donner jusqu'à sa liberté. Se retenir, appartenir, oui, croire en l'avenir. On voudrait que ça dure encore un bout de temps. Vous écoutez Érigé, l'émission Johnny de A à Z, avec ce soir une émission spéciale live, le Restez Vivant Tour, à La Rochelle et à Boulazac. Nous sommes toujours à La Rochelle, là. Johnny a fait coucou. Les Francopholies, La Rochelle, bonsoir. Vous savez, c'est formidable pour moi d'être ici avec vous ce soir. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Mais c'est pour ça, vraisemblablement, que moi j'ai envie de vous graver dans ma vie. J'étais tout seul, je suis parti, et je ne voulais pas m'arrêter. Une autre route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve. Soudainement, je suis tombé, et comme ça, je suis laissé à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement serré près. J'aime courir, mais quand tu viens, je veux rester. Ah, je suis sincère, je veux mourir, mais tu ne veux pas croire à tout. Ah, allez, à présent, première apparition du concert de Boulazac. Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday. C'est fini pour moi, I'm a fool. Bye. La belle surprise de cette tournée 2015, Johnny Hallyday chantant Tomber c'est facile, une chanson qu'il n'avait pas chantée depuis 1972. Et là, c'était donc là, à Francofolies. On le retrouve tout de suite à Boulazac, côté de Périgueux, je vous rappelle, hein, ouais, avec le titre J'ai pleuré sur ma guitare. Vous aimez la country music? C'est vrai? Alors voici pour vous ce soir, j'espère que ça va vous rappeler quelques bons souvenirs. De mon dernier album. Pour ça, je vais demander au compositeur de la chanson de venir la jouer avec moi sur scène. Cette chanson s'appelle Le Café de l'Avenir. Elle a été composée par mon ami Yodelis, Maxime Nounsi. Thank you. mes âmes travaillent. Je suis un vrai champ de bataille. J'apprends la vie à l'envers sur une imitation Fender. Vous écoutez RIG, l'émission Johnny de A à Z. On ouvre cette année 2019 avec Johnny Hallyday en concert. Concert de Restez Vivant, Tours, à La Rochelle et ainsi qu'à Boulazac. Wow. Vous êtes chaud, c'est cela, hein? Vous savez que dans le rock'n'roll, il y a toujours des prénoms de filles. Ah oui! Et en long temps salé. Peggy Sue, Nadine, et aussi la jolie Sarah. Sahara. Sortir avec moi, vous pouvez y aller, hein. Vous Tennessee. Cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Mais quelque chose en nous de Tennessee. En fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, sa rêve en nous, c'était son cri à lui, oui, quelque chose de Tennessee. Dans la nuit, à l'heure d'autre, ça m'a la folie. Sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu, Tennessee. Les heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. S'en rêvons-nous avec ses mots à lui, quelque chose nous saisit. Sur Érigé, la radio de Junaïdé, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. On écoute ce soir pour fêter l'année 2019, Junaïdé en concert, juste c'est un mercredi live. On écoute à La Rochelle et ainsi qu'à Boulazac. Tournée Restez Vivant Tour, de 2015 à 2016. Voici Gabriel. Et l'enfer devient comme comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Mais je veux partager d'autres choses que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie ne plus m'essouffler sous tes cris.

j'aime l'amour. La solitude aussi, pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse les discours. Et toucher la misère, pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Pour me donner la nuit, pour que j'aime le jour. Et la radio de Junaïdé tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. À l'instant, nous étions à Boulazac. On va revenir aux francopholies avec le titre suivant qui est Fils de personne. C'est parti. Vous écoutez RIG jusqu'à minuit. We'll be right back. toujours fermé. D'ici là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Thank you.

écoutez Érigé et avec les concerts de Johnny Hallyday à La Rochelle et ainsi qu'à Boulazac. Ce sont des concerts inédits de la tournée. Restez vivants, tour. Et aussi avec Nadine. Nadine, où es-tu? Essayer de te revoir, mais lorsque tu m'as vu, tu as changé de trottoir. Tu es rentré chez toi et tu as fermé les rideaux. J'ai dormi sur un banc avec des frissons dans le dos. We'll be right back.

jamais passé de bonheur. Et ma femme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, alors, je vous donnerai ma vie. Je suis prêt. est si lourde à porter. Dans la nuit infinie où ton amour m'a laissé, je suis seul. Je t'aimais. Et oui, il s'est planté à la fin, c'est ce que je dis là. Vous écoutez toujours Johnny Hallyday sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Voici tout de suite Que je t'aime. Et je crois que nous allons dépasser les minuit. Ah ouais, vous pouvez rester jusqu'à là. Hein, ouais. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes et des forêts. Que je t'aime. se déchaîne. Entre le sang dans nos veines et monte le son des guitares. Et le bruit des mots au milieu là. Érigé la radio de Junaïd tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit à la Sète le rappel. Sète le rappel et je vais l'avancer le rappel. Avec ce prochain titre-là, Victime de l'amour, Junaïd sur Érigé. On le retrouver à La Rochelle ou à Boulazac. Oh, cœur. L'amour est un vrai tueur. Le coup a claqué. Je suis tombé. Tout a eu. Au coin de la rue, il m'a guetté. Ouais, pour m'assassiner. Victime, victime. Je suis victime de l'amour. Là, dans la nuit, était appuyé. J'ai vu son regard en mon contrôle. Ça fait mal. Dans le cœur en rafale, il a tiré et je suis tombé. Que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, moi j'y mets mes peines. Tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des vins noirs lui donnaient le jour. Pour chanter les peines et les espoirs, senti Dieu et puis l'amour. Voilà la musique qui vibre. J'y mets mes peines et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et tu sais, je le chanterai toujours. Nous arrivons bientôt à la fin de ce voyage pour fêter la nouvelle année ensemble en écoutant Johnny Hallyday à La Rochelle lors des Francofolies le 14 juillet 2015 ainsi qu'à Boulazac pour le 12 février 2016. Nous allons terminer cette émission avec le titre « Te manquer ». Je danse et de nouveau dans l'éclat de ton Bonsoir, merci. Tu nous manques, Johnny. Tu as réussi. C'est le sort de cette émission Johnny de A à Z pour fêter la nouvelle année. Première émission de l'année 2019. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, une nouvelle aventure à l'IDN. Merci à toutes et à tous d'avoir participé et d'avoir écouté cette émission. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7.